たというものです。 Pasi, na yela kia wapamba te ya yao. Ozwa kakembo, yeah. difficulté protocolaire pour la fana. Na yebosa na likanisi na suka na ngonyoso. Atana ba difficulté ba professeur ba kote zomona na tena yebinza bazana katyo. Ataba to ba décevoir qui non a fandi menzamba yebindenga ni kokoti sa ba réserve. Atana joueur ou azana classement te zamba zana projet ya bokanye match longona ye. Ozwa kankembo na makambo nyonso lolengo ninge. Ozwa kankembo. Est-ce que biso tokoye mambo? Deux, trois. Ah, moza fort, hein? Mon numéro ya, arrozoa kembo na vino, ato lingite. Arrozala mona makas. O mona ba difficulté mine en valwana. Arrozoa kembo na sima wana kaka. Encore, deux, trois. Arrozoa kembo.